Ami humain, bonjour. Comment tuer votre chat de compagnie? Article de Désencyclopédie. Vous en avez marre de votre chat orange, qui est gras comme un cochon, qui vous coûte une blinde en lasagne, qui regarde tout le temps la télé, qui torture votre chien et qui répond au doux nom de Garfield. À chaque fois que vous le croisez, vous avez envie de l'écraser avec vos Santiago. Certes, il faut tuer cette merde avant qu'elle ne s'attaque à vous, mais, quitte à l'éliminer, autant le faire subtilement. Ce guide va vous suivre étape par étape pour que vous puissiez enfin goûter à la joie de vivre sans animal de compagnie. Capture de chat sauvage. Avant de tuer votre animal, procurez-vous un chat errant, qui se trouve dans toutes les grandes villes. Réputés violents, ce sont eux qui vont faire le sale boulot pour vous. Pour les débusquer, c'est facile, ouvrez une boîte de thon et laissez-la en pleine rue, normalement il y aura une foule de chats errants autour de la boîte. Pour les embarquer, c'est un peu plus difficile à part si vous avez prévu de mettre un somnifère puissant dans le thon. Vous avez donc en votre possession un chat errant. Maintenant, il faut l'entraîner au combat. Dressage de chat sauvage. Dès le réveil, écrasez le chat sauvage avec vos Santiago, il comprendra alors que c'est vous le boss. Après cela, vous n'aurez pas ou peu de problèmes avec lui, pensez quand même à l'enfermer dans une cage, afin d'éviter qu'il ne vous tue durant votre sommeil. Puis, entraînez-le au combat. C'est simple, attendez l'arrivée du facteur, ou de l'huissier, et, dès son irruption dans la maison, détachez la laisse du chat. Normalement, vous devriez retrouver le facteur, ou l'huissier, dans un piteux état. Si ce n'est pas le cas, entraînez-le à mordre jusqu'au sang, c'est primordial, à l'aide d'un rat que vous aurez capturé dans les égouts et laissé en liberté dans la maison. Si vous retrouvez le rat éventré au sol, ça veut dire que le chat est prêt pour l'étape suivante. Confinement. Cette fois, confinez le chat sauvage et votre chat domestique dans une salle sans issue où est entreposée une boîte de thon ouverte. Attendez 24 heures. Après le délai expiré, vérifiez, il n'y a normalement aucune chance de survie pour votre pauvre animal. Gros élan, il n'a pas pu survivre au coup dévastateur du chat que vous avez entraîné. Débarrassez-vous du cadavre de l'animal avant que l'odeur alerte vos voisins. Maintenant, débarrassez-vous aussi du chat sauvage. Liquidation du chat sauvage. Pour tuer le chat restant, prenez le bon vieux fusil de chasse de votre père et explosez-le. Sinon, pour ceux qui veulent se prendre la tête jusqu'à la fin de leur vie, répétez l'opération. Bien sûr, vous pouviez, dès le début, tuer votre chat domestique avec le fusil. Ou simplement vous dire que c'est vous le monstre d'avoir osé penser à tuer un chat, qui plus est votre chat. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.